اسمعوني دائما على صوت الخليج حاتم عمور. كوم سي je n'existe pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, rien de savoir. J'ai dit Aïcha, prends tout tes pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au bout de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. J'ai dit Aïcha, prends